de l'eau de vie si ta bouche en a envie. J'en boirai toute la nuit si tu veux en boire aussi. Donne-moi de ce nectar, oh, ne m'empêche pas d'en boire. Donne-moi de l'eau de pluie si tes larmes sont tarées. Sur les flammes, oh, de ton souffle chaud de femme, alimente ce brasier, couvre-moi de tes baisers, couvre-moi de tes baisers.